Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Jour de notre semaine spéciale depuis le 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, au campus de l'Université du Québec en Outaouais à Gatineau, après la place de la francophonie dans la recherche, après la relève, après la lutte contre les sciences décousues et les infox, on remonte les manches pour plonger dans le dur de la recherche de pointe, une recherche qui génère beaucoup d'intérêt et d'investissement ici au Canada comme en Europe, les nanomatériaux, ces matériaux dont les propriétés à l'échelle nanoscopique ouvrent d'immenses champs d'application, tant dans la médecine que dans l'électronique ou dans l'industrie, non sans susciter quelques inquiétudes en matière de santé publique. Nanomatériaux, voir le futur en petit, c'est le programme microscopique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique au 87e congrès de l'ACFAS. Et pour évoquer l'état donc de la recherche, de nos connaissances et du développement de ces nanomatériaux, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Clémence Fauteux-Lefebvre. Bonjour. Vous êtes professeure adjointe au département d'ingénierie chimique et biologique de l'Université d'Ottawa. Benoît Simard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de recherche principal au Conseil national de la recherche du Canada à Ottawa. Et Jacques Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de recherche senior au CNRC, le Conseil national de recherche du Canada, au département technologie de sécurité et de rupture. Comme tous les jours, vous pouvez suivre cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en replay sur notre site franceculture.fr, en balado-diffusion via l'application de Radio France, que l'on vous conseille fortement, et puis en complément, comme chaque jour, en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc, où nous allons publier un certain nombre de recherches, de sources, d'études qui viendront compléter ce qui sera dit autour de cette table. Alors pour commencer, nanomatériaux, c'est un vaste terme qui englobe beaucoup de choses. De quoi parle-t-on au juste? Est-ce que c'est simplement une question d'échelle, Clémence Fauteux-Lefebvre? Ok, donc il y a ici autour de moi aussi des spécialistes en nanomatériaux directement qui vont pouvoir peut-être clarifier de différentes perspectives. Dans mon domaine, lorsqu'on parle de nanomatériaux, oui, on le regarde premièrement d'un point de vue d'échelle. Après ça, au niveau des nanomatériaux, il y a différentes catégories. Je pense qu'on va les aborder, différentes classes. Donc, aussi dépendamment des nanomatériaux, on peut parfois mettre l'échelle à de façon un petit peu différente. D'un nanomatériau à l'autre. Et on peut aussi parler aussi des catégories au niveau des nanomatériaux qui vont être composés de plus petits nanomatériaux, puis qui vont être un assemblage, en fait, de nanomatériaux. Donc, en génie, dans mon domaine d'application, on va beaucoup parler d'assemblage de nanomatériaux, donc on met ensemble. Benoît Simard, quand on dit nanomatériaux, c'est vrai que l'esprit humain est jamais très bien, très bon et très équipé pour le très très grand ou pour le très très petit. C'est quoi comme échelle où on peut comparer ça? On est à quel niveau de grandeur exactement? Par définition, les nanomatériaux sont les matériaux qui sont de taille de moins de 100 nanomètres. Ça correspond à quoi? Une molécule, un atome? Un atome. L'atome d'hydrogène à 0,05 nanomètres. Donc, on parle de plusieurs atomes. Ceux qui se rappellent du carbone 60 ou le buckyball là, qui était quelque chose de très à la vogue dans les débuts des années 80. Alors, ça a 0,8 nanomètres. Donc, un nanomètre, la molécule d'ADN, ça a 2 nanomètres de diamètre. Donc ça donne un ordre de grandeur, oui. Tout à fait. Et donc qu'est-ce qu'on peut inclure encore une fois dans ce vaste terme de nanomatériaux? Ça n'est vraiment juste qu'une question d'échelle. Qu'est-ce que ça regroupe? Oui, par définition, nanomatériaux c'est des matériaux à l'échelle nanométrique et évidemment le type de nanomatériaux il est pratiquement infini. Jacques Lefebvre, votre définition à vous, qu'est-ce que ça englobe tout ça? C'est une grande étiquette qui englobe des choses très, très distinctes et très différentes. Je pense que pour compléter ce que les deux autres panélistes ont mentionné, c'est qu'il Ce qu'on recherche dans le matériau, nanomatériaux, c'est des propriétés qui ne sont pas là à l'échelle macroscopique. Donc, des effets, par exemple, de surface qui sont plus grands, ou bien des effets quantiques qui apparaissent quand on commence à réduire la taille des objets. Et on discutera tout à l'heure justement de ces propriétés particulières à l'échelle nanoscopique. Il faut peut-être distinguer aussi deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les nano-objets qui sont vraiment des entités en soi, et puis il y a les matériaux nanostructurés, ce sont deux choses différentes. Qui veut m'expliquer la différence entre les deux, Jacques Lefebvre? Bien, on pense, par exemple, les matériaux structurés, on peut penser à des semi-conducteurs qui servent à la fabrication de lasers, qui sont de l'empilement de couches très, très minces, où on obtient du confinement nanométrique, même sous le nanomètre. Puis ça génère des propriétés soit électroniques ou optiques très différentes d'un matériau massif. Benoît Simard, à partir de quand, en fait, on a commencé à se rendre compte que la matière ne se comportait pas de la même façon à l'échelle macroscopique ou à l'échelle nanométrique? Ouh, ça, ça a quand même une histoire très longue, parce que si on se rappelle, Michael Faraday, en 1857, a publié un article sur l'or. Enfin, il examinait des films d'or, que c'était une solution rouge. Même les Romains ont mis dans les vitraux, ce sont des nanoparticules qui donnent ces couleurs-là. Donc déjà, il y a longtemps, on parlait de ces objets ou de ces... Mais on ne savait pas que c'était à cette échelle-là. Donc avec le temps, avec l'amélioration des moyens de caractérisation, on a réussi à voir les tailles de ces objets ou de ces nanomatériaux-là et de découvrir lentement leurs propriétés exotiques. Clémence Faute-Lefebvre, sur cette recherche, la recherche sur les nanomatériaux, on parle de recherche émergente, elle a vraiment commencé à exploser au début des années 2000? Au niveau de la recherche sur les nanomatériaux, puis encore une fois, un point de vue d'application en génie des procédés, il y a toute la recherche sur les nanomatériaux, puis celle-là, elle va être à suite de ça utilisée, puis on va l'utiliser, puis on va l'ouvrir. Donc, si on prend, par exemple, un matériau comme le nanotube de carbone, qui est quand même connu, puis sur lequel il y a des recherches depuis plusieurs années dans un contexte récent, après ça, ça se transfère aussi dans d'autres milieux. Puis là, ça devient une recherche qui est un peu plus nouvelle dans les nouvelles applications. Donc, oui, c'est sûr que maintenant, depuis les années 2000, c'est certain qu'on peut un peu pas passer à côté des nanomatériaux. Ça devient un outil puissant dans divers domaines. Puis là, ça s'ouvre sur plusieurs domaines, puis sur plusieurs domaines d'application qu'on peut aller chercher. Oui, on va en parler dans un instant, hein, autant la santé, l'électronique, aussi l'écologie, l'environnement. Peut-être une question pour boucler ce petit tour de table introductif. Voilà, c'est un domaine de recherche émergent qui concentre beaucoup d'activités, beaucoup d'investissements aussi, et aussi beaucoup d'inquiétudes. Hein. Il y a une sorte d'inquiétude populaire autour de la présence de ces nanomatériaux, de ces nanoparticules un peu partout, d'ores et déjà dans notre environnement. Est-ce que ça veut dire, Benoît Simard, que pour le coup, l'industrie a été un peu plus vite que la science, un peu plus vite que la musique, quand on voit le nombre de nanoparticules qui existent, qui sont déjà commercialisées, alors que les études d'impact, elles, ne sont pas encore très fiables ni très nombreuses? Oh oui, ça c'est une excellente question. Il est vrai qu'il y a beaucoup de nanomatériaux et qu'on découvre des utilisations intéressantes et importantes. Mais comme toute nouvelle chose, il faut que ça suive avec les aspects, disons, santé et sécurité au travail, qu'est-ce que ça fait sur l'environnement, qu'est-ce que ça fait sur l'être humain. Donc ça, ce sont des questions qui prennent aussi beaucoup de temps à résoudre. Mais avant qu'on puisse faire ces études-là, souvent, il faut que le matériau soit découvert. Il faut qu'on en ait assez pour qu'on puisse l'étudier. Jacques Lefebvre, sur ces questions. Oui, je dirais que ce qu'on a vu, l'évolution industrielle, c'est qu'on utilise des matériaux de plus en plus petits, puis sans s'en rendre compte, faudrait plus considérer ce matériau-là comme un produit chimique plus qu'une particule simple. Puis à ce moment-là, bien, il faut faire des études de toxicité comme n'importe quel autre produit nouveau, ouais, qu'on peut introduire sur le marché. Un mot sur cette question-là, Clémence Faute-Lefebvre. L'industrie a été un peu trop vite, un peu plus vite que la musique. Oui, ben en fait, en complément, c'est ça. Il faut comme comme pour toute autre découverte ou comme pour tout autre produit qui arrive dans l'industrie, ben on n'a pas le choix. Il faut regarder les règles de l'art, puis faire des bonnes, faire toutes les tests, les mesures qui sont qu'on doit faire. Puis oui, on en découvre parfois. On peut découvrir des effets qui étaient non anticipés. Puis c'est un peu aussi la beauté des nanomatériaux. Ben peuvent venir aussi avec les inconvénients d'un autre côté au niveau que ce soit environnemental ou biologique. Donc, de plus en plus, il y a des risques, il y a des façons d'évaluer ces risques-là qui sont développés aussi dans toute la phase de vie des produits. Et on en discutera, hein. Ce sera le terme de la fin de la troisième partie de cette émission de la Côté des risques, mais on va essayer de comprendre déjà ce que c'est, comment ça marche, et puis quelles sont les propriétés donc de ces matières que l'on connaît, qui sont des matières usuelles et qui se comportent différemment, effectivement, à l'échelle nanométrique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous poursuivons bien notre parcours de ces nanomatériaux ici depuis le campus de LUCO à Gatineau au 87e congrès de l'ACFAS. Nous parlons donc des nanomatériaux avec Clémence Fauteau-Lefebvre, avec Benoît Simard et Jacques Lefebvre. Benoît Simard, qu'est-ce qui se passe alors justement? Comment se fait-il que ces matériaux se comportent différemment à l'échelle nanométrique qu'à l'échelle macroscopique? Pourquoi est-ce que les propriétés sont différentes quand on réduit le nombre de molécules? Il y a un effet de confinement, c'est-à-dire lorsque on réduit la taille, disons que les électrons ont moins de place à bouger, ou ils peuvent bouger seulement soit dans un plan dans une direction. Donc tout ça fait que les propriétés changent. C'est sûr que il est certain que si nous avons quelque chose de macroscopique, c'est que la capacité du matériau ou si on peut dire des électrons et à se déplacer est très grand. Donc, lorsqu'on le rapetisse, il y a des effets de confinement. C'est beaucoup ces effets de confinement-là qui donnent ces propriétés-là, de nouvelles propriétés. Aussi, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on réduit les tailles et si on les réduirait encore davantage? Donc là, on passe nanomètres et encore peut-être sous nanomètres, c'est que là les structures viennent, qu'ils ont des morphologies, disons, ou des structures différentes. Donc, par exemple, à la surface, il peut y avoir des atomes qui se comportent d'une manière totalement différente. Donc, Jacques Lefebvre. Lorsqu'on réduit la taille des matériaux, ben la proportion de la surface devient beaucoup plus grande que le volume, et donc il y a beaucoup plus de réactivité par le fait même. Clémence Fauteau-Lefebvre. Oui, donc justement sur cette même ligne-là, donc dépendamment des applications, il y a certaines propriétés un peu différentes qui vont être recherchées. En catalyse, une des propriétés, la première propriété, que ce soit nanomatériaux ou n'importe quel catalyseur hétérogène, donc solide qu'on va utiliser pour faire la promotion d'une réaction, ce qu'on veut, c'est la surface. On veut avoir le plus possible de surface par rapport au volume qu'on va utiliser. Donc, par les nanomatériaux, plus on diminue la taille, bien, plus on va chercher de cette surface-là, puis plus on va aussi chercher différentes propriétés qui vont permettre de rendre une réaction plus efficace. Alors, justement, quel type de propriétés on recherche en augmentant la surface et en augmentant ce que vient d'expliquer Benoît Simard, c'est-à-dire, finalement, c'est parfois certaines propriétés de connectivité, de supraconductivité? Sur la supraconductivité, la connectivité, je vais peut-être laisser un peu collègues répondre. Au niveau de la catalyse, par exemple, la surface, donc ce qu'elle va nous permettre, c'est que si j'ai une plus grande surface, donc j'ai plus de place pour faire la réaction. Souvent, on va même utiliser des nanomatériaux, puis on va avoir un nanomatériau de base, puis on va ajouter des nanoparticules sur le dessus, donc on va en combiner deux ensemble. Puis, ces nanoparticules-là, en étant de taille nano, donc on peut en mettre beaucoup plus sur la surface. Donc, elles vont pouvoir interagir. Puis aussi, sur la surface des nanomatériaux, souvent, on a de la place pour avoir différentes fonctionnalités, qu'elles soient métalliques, que ce soit aussi des groupements comme d'oxygène qui vont réagir dans une réaction, qui vont faire quelque chose. On peut en avoir beaucoup plus de disponibles, puis une mobilité aussi qui va permettre de s'ajuster à la réaction qu'on veut qui est désiré. Donc, on veut qu'il se passe. Donnez-nous un exemple, par exemple, de ce type de propriété catalytique dont vous parlez. Donc, un exemple qui est peut-être en développement aujourd'hui, puis dont on connaît peut-être pas nécessairement toutes les propriétés, c'est les oxydes de graphène. Donc, sur les oxydes de graphène qui ont... Dans le graphène, on peut rappeler ce que c'est? Donc, le graphène va être... Donc, un assemblage de carbone, puis ça va être des feuillets de carbone. Donc, on va être seulement en deux dimensions. Donc, dans l'oxyde de graphène, on va avoir aussi des oxygènes. Puis, donc, ça va être assemblé. Donc, la surface théorique est au-dessus de 2000 mètres carrés par gramme. Donc, ça fait une immense... C'est ça, c'est très impressionnant c'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc, puis, sur cette surface-là, on va aussi avoir d'autres propriétés donc par notre surface. Donc, c'est pas juste notre grande surface, c'est aussi qu'on va avoir certaines fonctions qui vont être accrochées sur cette surface-là et qui vont permettre de réagir. Donc, ils vont être disponibles pour faire la réaction. On le regarde beaucoup pour le traitement des contaminants de l'air, de l'eau, parce que ça peut facilement capter différents polluants qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est une application qui est un peu précise. Après ça, le graphène, comme l'oxyde de graphène, a plusieurs autres domaines d'application. Ben justement, examinons un peu les propriétés dans un premier temps. Benoît Simard, quelles sont les autres propriétés que l'on va chercher quand on prend une molécule et qu'on assemble ces nanomatériaux à l'échelle nanoscopique? Il y a des propriétés optiques, par exemple. Si on prend l'or, on sait que c'est une couleur or, évidemment. Mais si on réduit la taille, donc ça va devenir coloré, rouge ou peut-être orange, dépendant de la dimension qu'on leur donne. Et je vous rappelais tout à l'heure que les vitraux, c'était des particules d'or. Donc ça, c'est un exemple où les propriétés optiques sont maintenant sont changés. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau nanoscopique pour que ces propriétés optiques de l'or changent? C'est relié en fait au mouvement des électrons dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que les électrons ont moins de place à se déplacer et à bouger et ils viennent à la surface et ces vibrations-là font que les propriétés optiques changent. Il y a aussi il y a des matériaux qui existent à l'état. Tout à l'heure, nous parlions du graphène ou de l'oxyde de graphène. Donc, disons que le graphène, c'est juste une réduction de macroscopie du graphite et on réduit la taille jusqu'à obtenir, on enlève les feuillets, une couche à la fois pour obtenir le graphène. Mais il y a des matériaux reliés au carbone qui sont tout à fait qui sont construits d'atomes par atomes, comme par exemple les nanotubes de carbone qui on peut penser que c'est le graphène qui est enroulé sur lui-même. Donc lui existe de par la synthèse, on en fait des matériaux des grandes longues des tubes juste de carbone. Eux ont des propriétés mécaniques exceptionnelles. Du point de vue optique aussi et électronique aussi. Donc, il y a beaucoup de propriétés qui se développent lorsque de matériaux de cette nature-là sont formés. Sur les propriétés d'autres, propriétés optiques, quand on parle de propriétés mécaniques, par exemple, des tubes de graphène, du fullerène, de quoi on parle exactement, Jacques Lefebvre? Ce qu'on remarque lorsqu'on réduit la taille des objets, c'est que les propriétés de mécanique, par exemple, tendent à s'améliorer beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour des défauts chimiques dans ces matériaux-là. Donc, les propriétés mécaniques, c'est la résistance? Oui, c'est la résistance à la déformation, à la brisure. Donc, si on prend une fibre de carbone classique, on peut la cisailler, puis une raquette de tennis, par exemple, qui serait fabriquée avec des fibres de carbone plutôt qu'avec une fibre de nanotube, aura des propriétés beaucoup moins intéressantes. Un exemple, je veux dire, la force d'une fibre de carbone, donc la meilleure fibre de carbone, celle qu'on utilise pour construire des avions, par exemple, on va dire que c'est une unité de 6, tandis que dans le cas du nanotube de carbone, pour la même propriété, c'est une propriété de 65, donc 10 fois plus forte. Donc, c'est-à-dire vous parlez de résistance, là? Oui, de la résistance. Donc, les propriétés sont vraiment exceptionnelles. Enfin, si on prend, puisqu'on parle des nanotubes de carbone, si on arrivait, et c'est une chose qui n'a pas encore été réalisée, mais si on était capable de faire un fil ou à la longueur qu'on désirée pour construire des ponts. On pourrait construire des ponts, on pense à l'homme-araignée, le Spider-Man. Alors, ça serait exactement comme ça. Alors, la force et la ténacité de la fibre serait de cette nature. Oui. Qu'est-ce qui empêche justement d'en arriver à ce niveau-là, à cette échelle-là en tout cas, Benoît Simard? C'est la difficulté à obtenir la perfection. Donc, ce sont les défauts lors de la construction d'une telle fibre qui fait que la fibre, évidemment, elle est faible. Mais si on arrivait à construire, un peu comme une araignée, par exemple, qui construit sa toile, d'une manière infinie, ben, on aurait une propriété tout à fait exceptionnelle. Justement, qui peut m'expliquer comment on obtient ces nanomatériaux? Il y a différentes méthodes d'obtention. On parle de top-down ou de bottom-up. Aujourd'hui, c'est facile de les produire. On sait les produire extrêmement bien, justement, avec peu de défauts. Il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. Benoît Simard? Oui, il y a encore énormément de... Malgré que les nanotubes de carbone existent depuis près de 30 ans, donc ils ont été découverts en 1991. C'est encore, même au niveau de la synthèse, et les nanotubes de carbone sont disponibles commercialement à des échelles incroyables, là, à des tonnes de kilogrammes, mais c'est encore un matériau qui est imparfait, qui a quand même des impuretés à l'intérieur, dont la cristallinité, ce qui donne la perfection du matériau, doit être encore améliorée. Et c'est pareil pour tous les autres types de matériaux, que ce soit d'autres types de nanotubes ou d'autres matériaux de deux dimensions comme le graphène. Et le graphène a encore énormément de travail à faire avant d'en arriver à avoir vraiment du graphène pur. Et c'est pareil, peut-être qu'au niveau des nanoparticules, c'est plus facile pour en voir des nanoparticules d'or, mais il y en a encore des effets, on obtient des dispersions de taille. Donc, c'est d'avoir juste une particule d'une dimension X, c'est plutôt difficile. Oui. Jacques Lefebvre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la production de nanomatériaux est encore en phase de recherche, de perfectionnement pour aboutir effectivement à ce que vient d'évoquer Benoît Simard? Je dirais qu'un des défis, c'est qu'on est beaucoup dans les méthodes physiques pour la production des nanomatériaux. C'est-à-dire? Par exemple, par ablation, on peut prendre une cible métallique, puis tout simplement, soit par lancer un arc électrique, générer un plasma, puis par condensation, les particules vont s'agglomérer et former des particules plus petites. Puis, fondamentalement, ça va toujours produire une distribution hétérogène. Donc, en termes de taille, vous voulez dire? Surtout de taille. Puis, certainement, le fantasme d'un scientifique, c'est plus vraiment purement bottom-up, où on partirait d'atomes individuels. Puis on les assemblerait un par un. Oui, c'est ça. Et ça, ces méthodes-là de bottom-up, elles existent, mais elles... Oui, c'est des défis de chimiste, mais on peut imaginer que si on veut construire un nanotube à partir, par exemple, d'un anneau à la fois, c'est des milliards d'anneaux qu'il faut ajouter... Clémence Fauteux-Lefebvre sur cette production de nanomatériaux top-down, donc ce que vient d'expliquer finalement Jacques Lefebvre. Où est-ce que ça bloque encore? Où est-ce que la recherche travaille encore pour perfectionner ces techniques? En fait, c'est comme un peu dans n'importe quelle production, lorsqu'on veut passer à une plus grande échelle. Donc, ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est une chose, mais après ça, le rendre dans une ligne de production, où s'il y a de l'automatisation, c'est jamais si évident que ça. Puis, à la base, dès qu'il y a une certaine hétérogénéité, quand on va aller à une plus grande échelle, on peut s'attendre à ce que cette hétérogénéité devienne de plus en plus importante et donc doit être de plus en plus contrôlée. Que c'est le cas pour les nanotubes, c'est le cas pour différents aussi assemblages, même pour les nanoparticules. Donc, justement, comme il a été mentionné, avoir les nanoparticules, oui, il y a des méthodes de les avoir toutes de la même taille, exactement de la taille qu'on veut, et c'est pas nécessairement si simple que ça. Donc, c'est vraiment un des gros défis, c'est de pouvoir le faire en conservant la forme, en conservant la morphologie lorsqu'on le fait à plus grande échelle. Et le calibre exact. Parce que là Jacques Lefebvre parlait de méthodes d'obtention physique, mais il y a d'autres types d'obtention de nanomatériaux. Il y a des assemblages par voie chimique notamment? Oui, il y a des assemblages par voie chimique. Il y a aussi, dépendamment des nanomatériaux, aussi les méthodes vont être diversifiées. pour un nanomatériau ou pour un autre nanomatériau. Il y a des nanomatériaux aussi avec lesquels on peut se permettre une plus grande hétérogénéité, donc justement certains processus chimiques de décomposition où on part avec une molécule comprenant du carbone qui va se décomposer puis qui va former quelque chose en carbone, par exemple plus de l'ordre du nanofilament qui est moins bien défini. Peut-être moins précis, si je peux dire. Donc, on a un petit peu une plus grande flexibilité, mais grosso modo, pour chacun, on doit réussir à faire le procédé qui va être capable de le faire à longue échelle. Petit, tout est minute dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moc, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit, tout est minute dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-mini-mini, mini-mini-mini. Moi je préfère les maxi, maxi moc et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi maxi ça respire l'air, maxi terre et terre maxus. Maximum et maxi bus, maxi terre et terre maxus. Maximum et Jacques Dutronc, mini-mini, c'est de circonstance quand on parle des nanomatériaux ici en public du 87e congrès de l'ACFAS à LUCO, à Gatineau, au Québec. Nous parlons donc nanomatériaux et recherche de pointe avec Clémence Fauteux-Lefebvre qui est professeure adjointe au département d'ingénierie chimique et biologique de l'Université d'Ottawa, avec Benoît Simard qui est agent de recherche principal au Conseil national de la recherche du Canada à Ottawa, et avec Jacques Lefebvre qui est agent de recherche senior au CNRC, le Conseil national de recherche du Canada, au département technologie de sécurité et de rupture. Alors côté application, puisque c'est ce dont il va être question à partir de maintenant, si on en croit les industriels et les chercheurs, les nanomatériaux seraient la solution à tout un tas de défis que rencontre notre société contemporaine, tant dans le domaine de la préservation de l'environnement, de la réduction de la consommation d'énergie, que dans celui de la santé. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au Heart Institute à l'Université d'Ottawa, où des études sont menées sur la régénération de tissus cardiaques avec de nouvelles nanostructures. Oui, des nanostructures à base d'argent. Le nano-argent a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires qui sont très intéressante en cardiologie pour réparer les tissus abîmés localement. Mais le problème, c'est que le nano-argent peut être toxique au-delà d'un certain seuil. Alors tout l'enjeu réside dans le développement d'une méthode pour contrôler l'action du nano-argent sur les tissus in vivo. C'est le projet de thèse d'Éric Jacques, qui est en première année à l'Université d'Ottawa. Les nanoparticules sont assez uniques dans leurs propriétés. En particulier pour l'argent, c'est très efficace contre les bactéries, les infections. Donc, beaucoup de gens ont commencé à utiliser ça pour des traitements lors des chirurgies. Donc, nous autres, on essaie de prendre avantage de ça. Donc, quand on fait des gels pour aider les tissus cardiovasculaires contre des crises cardiaques ou d'autres pathologies de sorte comme ça, on intègre les nanoparticules dans nos matériaux pour empêcher les infections. Si je comprends bien, en fait, les nanoparticules d'argent sont très intéressantes pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antifongiques, antibactériennes, mais elles sont toxiques à une certaine dose, donc c'est pour ça qu'on essaye de synthétiser des peptides pour essayer d'inhiber cette toxicité et aussi d'augmenter les performances en multipliant des propriétés intéressantes au niveau thérapeutique. Oui, c'est certain. Donc, dans nos travaux les plus récents, on a pris des nanoparticules et on a trouvé des poitrines très courtes qui ont une haute affinité pour l'argent. Donc, on a découvert ça et puis on est allé un petit peu plus loin. On a fabriqué ces peptides-là pour faire en sorte qu'ils soient très proches de la structure du collagène. Le collagène, c'est la protéine la plus commune dans notre corps. Donc, l'idée, c'est de fabriquer un peptide qui mimique cette protéine-là. Et qui imite l'action de cette protéine-là. C'est ça. On essaie de reproduire les mêmes propriétés. Et ensuite, on recouvre notre matériau avec ces peptides-là. Donc, c'était ça notre découverte. On a trouvé une protéine qui avait une haute affinité pour l'argent et donnait le matériel en tout des propriétés plus biocompatibles. Donc, pour faire les nanoparticules elles-mêmes, on a un photoréacteur dans le coin, là. La méthode qu'on utilise nécessite des rayons UV pour commencer notre action. Donc, on utilise ça. C'est très pratique, très vite. Puis là, on peut continuer dans les autres labos. Ça, c'est un electrospinner. On a notre solution, on a nos gels avec les nanoparticules dedans. Puis en les faisant descendre dans une boîte qui contient un courant électrique, on peut ensuite faire des fibres. Puis en plus, on fait des patchs avec ça, des patchs pour le cœur, des patchs qu'on peut mettre par-dessus le cœur après une crise cardiaque ou n'importe quelle pathologie qui va causer la mort du tissu. Donc là, on se dirige vers le laboratoire d'histologie pour aller voir les tissus sur lesquels vous travaillez. Ouais. Donc pour mon projet de thèse, on est dans le stade in vivo. Donc, on vient juste de faire le traitement. Donc, vous conservez au réfrigidaire vos échantillons? C'est ça. Après ça, on a recueilli les cœurs. Mais c'est des cœurs de quoi? De souris. De souris? Ouais. D'accord. Donc, en fait, c'est une petite lamelle où il y a différentes c'est ça, donc, parties de l'organe. Non? C'est ça. Donc, ce qu'on a fait ici... Des coupes, en fait. C'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a induit une crise cardiaque. Puis on a appliqué notre traitement. Après ça, on recueille les cœurs pour qu'on puisse ensuite voir si nos cellules qui ont été intégrées dans nos matériaux ont bien intégré dans le tissu, puis si le tissu de voisin a bien récupéré ses propriétés santé. Et alors, qu'est-ce que vous avez pu remarquer en injectant ces nanomatériaux dans les cœurs malades de souris? Est-ce qu'il y a une régénération que vous avez pu observer rapidement? Oui, parce que le monde a trouvé des cellules souches, puis c'était très sexy, c'était très attrayant la façon qu'ils se comportaient et puis qu'on pouvait différencier ces cellules souches en n'importe quelle cellule. De façon assez rapide, on a trouvé que les cellules souches meurent rapidement en injectant dans un tissu parce que l'environnement inflammatoire n'est pas bénéfice du tout. Donc, l'idée, c'est de individuellement enrober chaque cellule d'un matériau fait de nanoparticules puis de protéines plus biocompatibles. De cette façon, quand on injecte dans un tissu inflammé, les cellules sont encore contentes dans leur matériau, pas complètement biologique, mais assez similaire de façon qu'ils soient en santé. Et puis, une fois qu'ils sont injectés dans le tissu, ils peuvent sécréter les molécules messagers pro-régénératives, pro-anti-inflammatoires, tout le kit. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, même si c'est un peu s'avancer, que vous pourrez faire vos premiers essais vraiment cliniques? Oui, ouais, c'est certain, mais on va avoir besoin de l'aide des docteurs de l'autre côté de l'hôpital. C'est ça l'avantage de l'Institut de cardiologie, c'est que la recherche, c'est d'un côté, puis la clinique est de l'autre côté. Donc, on est très, très interactif, puis on se parle beaucoup. Donc, on connaît vraiment les problèmes qu'il faut qu'on résout. Puis, peut-être qu'ils réalisent aussi la difficulté de résoudre ces problèmes-là. Donc, ça va prendre un petit bout de temps, mais oui, des études cliniques, c'est définitivement ce qu'on envisage. Voilà ce reportage au Heart Institute à l'Université d'Ottawa sur ses propriétés biologiques des nanoparticules d'argent. Une réaction les uns les autres à ce que vous venez d'entendre, Clémence Fauteux-Lefebvre? Oui, donc c'est sûr que de plus en plus, on voit justement aussi on essaie d'élargir les applications des nanoparticules. Il y a de la recherche qui se fait en santé, il y a de la recherche qui se fait en pharmaceutique. Pourquoi je distingue un peu les deux? Donc, il y a pour des applications vraiment de traitement, mais il y a aussi pour des applications de diagnostic. Donc, en essayant de avec les nanoparticules, on réussit aussi à parfois envoyer les nanoparticules à un endroit spécifique, que ce soit pour le diagnostic ou pour que ce soit pour le traitement. On permet aussi de parfois passer certaines barrières physiologiques. Comme la barrière hémato-encéphalique dont on sait qu'elle est très, très, très imperméable. Donc, pour pouvoir aller livrer un médicament à un endroit très, très, très précis et non pas à un autre. Vos réactions aussi les uns les autres, Benoît Simard, à ce que vous venez d'entendre sur ces travaux en cardiologie? Oui, c'est très intéressant. Évidemment, il y a beaucoup de travaux de cette nature-là à travers le monde, donc on en est là. Donc, au niveau, médical, on peut quand même séparer les nanomatériaux pour les dispositifs, donc des dispositifs, ou les utiliser comme moyen de transport de drogue. C'est un peu de médicaments, un peu comme les ou drogues. Ça dépend dépendant de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est un peu ce que les nanotubes, peu importe carbone, nitrure de bore ou autre, peuvent faire en insérant des médicaments à l'intérieur. Oui. On va reparler de ce qu'on appelle les nanovecteurs dans un instant, mais j'aimerais peut-être une question. Je ne sais pas qui peut me répondre à cette question. Pourquoi quelles sont les propriétés biologiques en fait? Pourquoi est-ce que l'argent au niveau nanoscopique a ces propriétés-là? Pourquoi aussi le nitrure de bore ou l'or peuvent avoir des propriétés biologiques biocompatibles parce que quand on les réduit à cette échelle-là? Jacques Lefebvre? Peut-être vaguement. Je sais en particulier pour l'oxyde de titane, c'est peut-être le même mécanisme d'action, mais c'est que c'est un oxydant très fort. Donc, puis lorsqu'on le met en forme de nanoparticules, c'est encore l'effet de la surface versus le volume. Donc, on a une action qui est exaltée, en fait. Là. Clémence Afoto-Lefebvre, sur ses propriétés vraiment stricto sensu biologiques, parce qu'on entendait, et on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, qu'il y a un seuil de toxicité tout de même, et pour les mêmes raisons que celles que vous décriviez comme étant des raisons thérapeutiques. Effectivement, ces nanoparticules, elles se promènent partout, elles franchissent les barrières notamment, bon, je parlais de la barrière hémato-encéphalique, il y en a d'autres, mais celle-là particulièrement, elles rentrent à l'endroit où d'autres particules plus grosses normalement ne peuvent pas rentrer, donc il y a un seuil, et là les essais cliniques sont très très importants pour savoir où est le dosage. Bien entendu. Puis, c'est sûr que pour tout ce qui se rapporte à la santé, ce qui se rapporte au traitement, il y a des tests, puis il y a de nombreux tests aussi. Il y a toute une procédure à suivre, puis il y a toute une procédure qui va certainement être suivie par les chercheurs. Dépendamment des nanomatériaux ou des nanoparticules qui sont utilisées, les propriétés vont aussi être différentes. Certaines sont considérées plus biocompatibles que d'autres. Par exemple? Par exemple, si on parle de la nanocellulose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les risques, qu'il ne faut pas aller regarder, mais c'est basé à partir de carbone. Puis, la biocompatibilité pourrait être peut-être plus facile qu'avec d'autres nanoparticules, mais ça ne veut pas dire qu'on va obtenir les propriétés qu'on désire. Donc, c'est pour ça que pour chaque nanoparticule, cette étude doit être faite là, de façon approfondie. Benoît Simard, on va revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure parce que c'est vraiment très important et c'est une des pistes les plus prometteuses de recherche, ces nanovecteurs. Comment ça marche? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut utiliser ces nanoparticules pour amener, on pense beaucoup en cancérologie, notamment avec les nanoparticules d'or, d'utiliser ces nanoparticules d'or pour aller coller, en fait, en quelque sorte, la drogue ou en tout cas la molécule toxique de chimiothérapie directement sur les cellules tumorales et donc épargner les cellules alentours. Or, on sait que c'est vraiment l'un des grands enjeux de recherche en cancérologie contemporaine. Oui, c'est un très grand enjeu. Il y a plusieurs stratégies qui sont proposées. Je vous parlais tout à l'heure, celle d'utiliser des nanotubes comme un vecteur de transport pour les drogues. Donc, à ce moment-là, la coquille du nanotube agit comme agent protecteur qui empêche justement le médicament ou la drogue de se propager un peu partout, puisqu'on peut arriver à fonctionnaliser cette coquille-là pour l'amener spécifiquement aux cellules qui sont cancéreuses. Alors comment ça marche ça? Parce que ça c'est assez fascinant d'imaginer qu'il y ait des sortes de nanotubes à tête chercheuse en fait qui vont se repérer, qui vont discriminer les cellules cancéreuses ou les cellules tumorales des cellules saines. Oui, et ça c'est habituellement on peut utiliser par exemple des anticorps, on peut mettre des anticorps sur une attachés aux nanotubes de carbone qui est capable de détecter les récepteurs spécifiques antigéniques. Oui, pour des cellules qui ont un cancer et une fois rendues à la cellule on peut dire qu'il y a pénétration à l'intérieur et à ce moment-là, la drogue, elle fait son travail. Donc, c'était démontré vraiment à l'échelle de laboratoire, là, dans des vases de pétri et compagnie. Oui. Donc là, pour le moment, ça, c'est encore... On parle, bien sûr, et il faut toujours le rappeler, hein, de recherche fondamentale. On n'en est pas du tout au stade des essais cliniques ou de l'étude épidémiologique. Loin s'en faut, on est bien en amont de cela. On parle aussi de ces nanotubes ou de ces nanoparticules d'or pour potentialiser la radiothérapie. Quelqu'un peut me parler de ça, de rendre en fait du coup la radiothérapie plus efficace via justement ce même type de fonctionnement, Benoît Simard? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez dire par radiothérapie, mais ils peuvent aussi être utilisés comme un récepteur de radiation, par exemple. Voilà, mais c'est ça. C'est de ça que je parle. Soit ça prend des radiations assez spécifiques, ça peut être des radiations lumineuses, ou ça peut être même d'autres types d'irradiation. Mais à ce moment-là, la particule agit juste comme récepteur ou capteur de cette radiation-là. À ce moment-là, elle peut chauffer ou elle peut, s'il y a quelque chose d'attaché sur la particule, il peut être dégagé à ce moment-là aussi. Ce qui permet effectivement, oui. C'est de ça dont il est question, d'amplifier les effets des radiothérapies. Oui. Là aussi, dans le traitement en cancérologie, en permettant justement bien de réduire les doses de radiothérapie parce qu'elles sont amplifiées du coup par ces nanoparticules qui sont présentes dans les cellules tumorales. Et dans la même veine, je voudrais dire, au sujet des... Je parlais des nanotubes en particulier tout à l'heure sur lesquels on peut insérer des choses à l'intérieur ou encapsuler des choses à l'intérieur. Et ça a été démontré encore à l'échelle du laboratoire. On peut insérer des atomes radioactifs pour minimiser, enfin, l'impact de la radiation nucléaire, parce qu'habituellement, c'est quand même assez dommageable de manière générale. Mais maintenant, ça devient spécifique à la cellule. Donc, on obtient des résultats quand même assez impressionnants à ce niveau-là. Encore un mot peut-être, Clémence Fauteau-Lefebvre, sur les applications en biologie médicale ou en recherche biomédicale? C'est ça, on a nommé plusieurs choses. On a un petit peu parlé aussi, c'est ça, comme des nanotubes. Donc, il y a différents nanomatériaux qui vont être étudiés qui vont être un vecteur. Donc, pour avoir différents vecteurs qui vont pouvoir cibler. Puis, c'est ça, en leur faisant une fonctionnalisation, on sait, ou en leur mettant, leur donnant certaines propriétés, l'objectif est vraiment qu'ils se rendent vers soit un organe spécifique, vers soit un endroit du corps spécifique. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus améliorer et spécifier les traitements donc en fonction des différentes maladies. Jacques Lefebvre. Il y a une partie de la recherche en médecine qui dépend beaucoup de l'imagerie puis qui nécessite des colorants. Puis ces colorants-là, en général, sont pas très stables, mais ils vont dégrader très rapidement. Donc ça limite des études à très longue durée. Puis si on utilise des marqueurs qui sont encapsulés, ils sont protégés de cette dégradation. Donc, ça permet de faire des études, par exemple, de division cellulaire pendant des semaines, ce qu'on ne peut pas faire avec des marqueurs présentement. On parle également d'outils diagnostiques. Pour quel type de diagnostic, Benoît Simard? Plusieurs diagnostics. Jacques a mentionné l'imagerie. Mm-hmm. Et définitivement, l'imagerie a bénéficié beaucoup, beaucoup de nanomatériaux. Il y a aussi l'imagerie en particulier, mais en résonance magnétique nucléaire aussi, où déjà les agents contrastants, ce sont des nanoparticules magnétiques ou super paramagnétiques, si on veut. Donc, il s'est utilisé beaucoup à ces fins-là, oui. Si on sort du domaine stricto sensu biomédical, on l'a dit, hein, on a un peu l'impression que c'est la corne d'abondance, ou en tout cas la solution miracle à tout. On parle beaucoup des nanomatériaux, vous l'avez évoqué tout à l'heure en écologie, notamment comme filtre pour purifier les environnements, justement grâce à ces grilles qui permettent de sélectionner dans l'air juste certains types de polluants. On en parle aussi beaucoup pour réduire, pour limiter la consommation énergétique d'un certain nombre d'appareils. Comment ça se passe? Pour quelles raisons? Qui veut me répondre là-dessus, Jacques Lefebvre? J'ai une idée en tête. C'est peut-être encore si on a une efficacité catalytique qui est beaucoup plus grande. La quantité de matériaux qu'il faut ajouter dans le produit est beaucoup moins grande. Donc, on a un gain de réduction de poids, en fait. Donc, il y a la réduction de la masse des structures, hein, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure pour les avions, pour les véhicules en règle générale. Benoît Simard, sur justement pour la réduction de la consommation énergétique, en quelle mesure les nanomatériaux peuvent-ils être efficaces? Bien, certainement en augmentant l'efficacité d'un dispositif. Donc ça, c'est clair que les nanomatériaux ils ont déjà un rôle à jouer, ils jouent déjà un rôle, soit il y a beaucoup de nouveaux, même aujourd'hui, au moment où on parle, à chaque jour, il y a des publications sur un nouveau type de dispositif ou de batterie ou de système de condensateur à base de nanomatériaux. Et là, on parle de plusieurs types de nanomatériaux, soit des électrodes ultra poreuses avec de différents types de matériaux à base de métaux et d'oxydes qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, parce qu'ils sont plus efficaces, on peut ou bien diminuer leur dimension ou avoir une plus grande capacité. Non? Oui, justement, sur les batteries, qu'est-ce qui fait que les nanomatériaux rendent les batteries plus efficaces, Clémence Fauteux-Lefebvre? Pourquoi est-ce qu'on gagne justement en efficacité au niveau des batteries? Au niveau des batteries en tant que telles, c'est beaucoup moins mon domaine de recherche. Si on va un peu plus large au niveau de l'énergie, puis bon, il y a quand même des similitudes avec qu'est-ce qui se passe avec les batteries. Donc, dans tous les procédés, que ce soit un procédé ou qui nous permet d'avoir de l'énergie, par exemple, parce qu'on veut de l'énergie, ou que ce soit n'importe quel autre chaîne de production, que ce soit dans la production même pétrolière là, qui se fait encore de nos jours, puis toutes les autres nouvelles façons de faire, que ce soit des bioplastiques ou que ce soit de faire différents matériaux. Donc, on a besoin à plus grande échelle. Lorsqu'on va aller chercher un catalyseur, puis qu'on va regarder pour les catalyseurs, je veux dire, les nanomatériaux, c'est comme un outil incontournable qu'on peut avoir qui va nous permettre de rendre ce procédé-là beaucoup plus efficace. Donc, quand on parle de beaucoup plus efficace, c'est plusieurs choses qui vont se passer. C'est que, premièrement, on va avoir besoin de moins d'énergie pour faire la réaction. Donc, et aussi parce qu'on va produire moins de sous-réactions. Donc, on va être capable de cibler la réaction qu'on veut absolument qu'il se passe. Donc, on va, au lieu d'avoir plusieurs réactions en parallèle dans lesquelles il y a un petit peu d'énergie qui est perdue, puis qui nous oblige aussi à traiter d'autres résidus à la suite, on va vraiment cibler la réaction désirée. Puis les nanomatériaux nous aident beaucoup là-dedans en ayant des fonctions de surface qui peuvent nous permettre de cibler cette réaction-là puis de rendre les choses beaucoup plus efficaces. Quelles sont aujourd'hui les limites dans le technologique ou industriel au déploiement de ces nanomatériaux, Benoît Simard? Où en est la recherche exactement? Qu'est-ce qui fait que... les nanomatériaux, on l'a entendu, hein, sont utilisés, mais on bloque encore, c'est vraiment juste la construction, c'est la fabrication, c'est la pureté des matériaux qui pose encore une limite technologique à... Ben, les nanomatériaux, ils sont déjà utilisés beaucoup dans plusieurs produits commerciaux, dans les batteries, je veux dire, au niveau des portables, des ordinateurs portables, ont probablement toutes des nanotubes de carbone dans les batteries, déjà. Vous avez des nanomatériaux dans votre oui, poche? Oui, déjà, ça existe déjà. L'utilisation du nanocarbone pour la fabrication de pneus, ça fait très longtemps. Les fabricants de voitures, les manufacturiers de voitures ont déjà des nanomatériaux dans les plastiques, beaucoup. Pour quel usage? Souvent, c'est pour les chauffer le plastique ou encore, comme je vous disais, au niveau des batteries. Je veux dire, toutes les véhicules électriques, la batterie elle-même, c'est plein de nanomatériaux parce que c'est pour augmenter l'efficacité et ça le change constamment. Donc, c'est utilisé déjà beaucoup. Je veux dire, il y a des avions, surtout des avions de chasse militaire, qui ont une partie des ailerons qui sont faites avec des nanomatériaux. Donc, c'est beaucoup utilisé. Souvent, ça fait son entrée d'une manière assez pervasive, là, sans qu'on sache. Ça rentre lentement, oui. D'ailleurs, à quelques kilomètres d'ici, à Ottawa, il y a la principale fabrique mondiale de nanotubes de nitrure de bore. Ça sert à quoi, les nanotubes de nitrure de bore? C'est pour toutes les applications que vous venez de décrire ou pour des usages spécifiques? Oui, juste pour donner une différence, du point de vue mécanique, ils ont des propriétés mécaniques aussi impressionnantes que les nanotubes de carbone, à l'exception du fait que les nanotubes de carbone, c'est un excellent conducteur électrique. Un excellent conducteur électrique avec des propriétés optiques superbes intéressantes qui sont utilisées beaucoup pour faire des dispositifs. Les nitrures de bore, ils ont des propriétés mécaniques similaires, mais c'est un matériau qui est blanc. Donc, on peut l'utiliser pour des matériaux transparents. Dans le verre, par exemple. Je veux dire, c'est pas pensable d'utiliser des nanotubes de carbone pour renforcer le verre. Mais les nitrures de bore, c'est possible. Donc, c'est dans cette optique-là que ce sont des matériaux qui sont complémentaires. On arrive dans la dernière partie de cette émission, hein, je l'avais dit au début, il y a effectivement aujourd'hui une sorte de fantasme un peu collectif autour de ces nanomatériaux. Leur nombre a cru très très largement, hein. Aujourd'hui, plus de 2000 produits contenaient des nanomatériaux répertoriés en 2016, donc imaginez c'était il y a 3 ans, 50 en 2005, ça va extrêmement vite. Est-ce que l'évaluation du risque est aujourd'hui établie correctement? Est-ce qu'on sait exactement ce que la diffusion de ces nanomatériaux dans des produits d'usage courant, hein, dans les crèmes solaires notamment, peut faire porter comme risque sur la santé? Clémence Fauteux-Lefebvre. C'est sûr que c'est un défi en fait de tous les jours avec les nanomatériaux. Tout d'abord, bon, on en a parlé, on a abordé la question de différents angles, mais tous les nanomatériaux ont des propriétés différentes, donc vont agir différemment. C'est très, très, très important dans le développement des nanomatériaux, puis dans le développement aussi de matériaux qui vont utiliser ces nanomatériaux-là ou dans les procédés, de vraiment regarder le cycle de vie du nanomatériau, que ce soit de la production, donc au niveau des mesures de précaution lorsqu'on les produit, que pendant l'utilisation, que ensuite de ça en fin de vie. Puis dépendamment, il y a encore de la recherche qui se fait puis qui doit être fait sur comment est-ce qu'on évalue justement, même si j'ai un produit qui est biodégradable à partir de nanomatériaux, comment est-ce que ces nanomatériaux-là, lors du processus de biodégradation, va interagir avec l'écosystème, va interagir dans notre environnement. Donc c'est certainement pas une question qui est résolue, mais c'est une question, je crois, que dont on est conscient. C'est quelque chose dont on est conscient qu'il faut y porter attention, puis qu'il faut développer les outils pour pouvoir faire cette évaluation-là. Est-ce que le public a raison de s'inquiéter de la prolifération de ces nanomatériaux dans la vie quotidienne, Jacques Lefebvre? Je dirais dans une certaine mesure, parce qu'il y a toujours le secret industriel qui rend difficile... Les études reverse engineering, on pourrait dire. Puis je dirais que inversé. Ouais, génie inversé. Puis ce que je dirais que par exemple le Conseil national de recherche est un modèle justement dans la gestion des nanomatériaux, puis l'interaction avec d'autres organismes gouvernementaux pour s'assurer que ces matériaux-là sont suivis tout au cours de leur cycle de vie. Vous pensez qu'ils sont assez suivis aujourd'hui? Ben, je dirais que non, parce que si on en a, on achète un chandail, un t-shirt, puis les gens ne savent pas qu'il y a une teinture à base de nanoparticules. Votre opinion à ce propos, Benoît Simard? Ben, disons qu'aujourd'hui, c'est que la population en général, elle est plus informée et elle pose beaucoup plus de questions qu'on en posait il y a 20 ou 50 ans ou 10 ans. Donc, aussi, je dois additionner que les méthodes de caractérisation sont beaucoup plus raffinées aussi. Donc, les seuils de détection de produits toxiques sont beaucoup plus fins, donc on détecte beaucoup plus de choses qu'avant. Tout ça se passe en parallèle, hein. Je veux dire, on a un nouveau produit, on va l'appeler produit, et comment peut-on, mettons, quelles sont les méthodes ou les protocoles pour pouvoir vérifier la toxicité de ce produit? Souvent, on commence par faire des études en vase de pétri, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, est-ce qu'un organisme humain, donc c'est quand même des études de très longue haleine. Mais comment vous expliquez qu'il y ait autant de lacunes dans l'évaluation des risques d'exposition? On parlait de franchissement de la barrière hématoencéphalique, c'est pas rien de mettre sur le marché des produits dont on sait qu'un certain nombre de particules peuvent pénétrer le cerveau. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de lacunes? Pourquoi est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, les industriels ont un peu joué aux apprentis sorciers avec la complicité des pouvoirs publics? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'études qui ont essayé de rattraper un peu le retard pour la connaissance de ces mécanismes? Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas suffisamment d'études. Il faut accélérer les études. Il faut demander plus d'études. Mais c'est un peu toujours le chat et la souris. On développe quelque chose et on demande des vérifications par la suite. Et là, on commence à faire les vérifications. Entre-temps, tout ça continue, hein? Un peu comme Jacques disait tout à l'heure, je veux dire, on parlait des nanoparticules d'argent. Il y a beaucoup de vêtements qui sont, en tout cas, la publicité nous dit qu'ils ont des nanoparticules d'argent à l'intérieur pour enlever les senteurs et ainsi de suite. Donc, on est omniprésent de ces choses-là. Oui. Jacques Lefebvre. Je dirais que c'est pas unique au monde des nanomatériaux. On a vu des histoires avec des plastiques comme les bisphénols. Puis ça, c'est de la chimie traditionnelle. Les perturbateurs endocriniens, c'est pas très rassurant ce que vous nous dites. Les nanomatériaux, c'est comme les perturbateurs endocriniens hier, ça veut dire que c'est pas très bon signe. C'est qu'en général, quand on met des matériaux sur le marché, on connaît pas nécessairement la complexité des interactions avec l'environnement. Et les effets cocktails. Beaucoup de paramètres. On est très attaché en France à quelque chose qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire de dire tant qu'on ne sait pas, on retire tout du marché. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens aussi ici au Canada pour vous Benoît Simard? Absolument. C'est ce principe-là, il est utilisé avant de mettre de nouveaux produits sur le marché. Certainement, les industriels avec qui je discute, ils sont conscients de ceci et évidemment, ils ne conduira pas à la perte de leur industrie, donc ils sont quand même assez conscients. Vous dire que ce sont des risques mesurés que prennent les industriels, qu'ils font pas non plus, ils sont pas non plus complètement kamikazes. Oui. Oui, c'est vrai. Clémence Fauteux-Lefebvre, sur ce principe de précaution, est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui mettre une législation plus dure, plus forte à l'introduction supplémentaire de nouveaux nanomatériaux sur le marché? Ou est-ce que finalement, comme le dit Benoît Simard, les industriels font tout de même attention parce qu'ils ne sont pas kamikazes, ils ne veulent pas s'exposer à un scandale dans 10, 15 ou 20 ans? C'est sûr que j'aurais espoir que tous les industriels aient vraiment ce principe de précaution-là en tête et l'aillent toujours. Au niveau de la législation, est-ce qu'il faut... comment est-ce qu'elle peut être modifiée ou pas? C'est quand même un assez grand débat. Elle est très contraignante ici au Canada? Au niveau des nanomatériaux, ça dépend vraiment c'est que ça va aussi par application, hein. C'est pas nécessairement défini par nanomatériaux. Ça peut aussi aller beaucoup par application. Je veux dire, quand on est dans le pharmaceutique, ben on tombe dans tout ce qui est du domaine des médicaments puis de la législation qui vient de Santé Canada. Pour d'autres, donc il va y avoir toutes les législations environnementales qui vont entrer en ligne de compte. Donc c'est pas nécessairement une seule législation. Si on regarde au niveau des procédés, je veux dire de base, souvent aussi il y a la récupération des nanomatériaux est super importante pour pouvoir, d'un point de vue économique, juste pour pouvoir les réutiliser. Donc si à cette étape-là on n'est pas capable de le faire, on est capable déjà de lever un drapeau puis de dire qu'on a un problème, parce que si ça s'en va, c'est évidemment qu'on veut pas envoyer ça dans les rivières directement. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. On espère que tout ça, en tout cas, aura permis à nos auditeurs de s'éclairer sur ces nanomatériaux, sur leurs propriétés, sur leurs emplois, et puis aussi éventuellement sur les risques que cela peut comporter. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Clémence Fauteux-Lefebvre, merci Benoît Simard, merci Jacques Lefebvre, merci aux équipes de l'ACFAS, Lynn Sauvageau, Hélène Drinville, Alexandre Gest, Stéphanie Quirion. Merci à Laurence Hagenauer, Madame la Consul Générale de France à Québec. Merci à Mathilde Girard et Florence Béranger, aux équipes de Radio-Canada, Conrad Jazzy, Serge Brunet, et puis à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Eve Etienne, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation pour le cinquième et dernier jour cours de notre semaine au 87e congrès de l'ACFAS au Québec, qui sera diffusé lundi sur l'antenne de France Culture. Il sera encore question de recherche de pointe dans le domaine de la chimie pharmaceutique, qui se fait aujourd'hui via de nombreuses technologies émergentes, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle ou du ciseau moléculaire CRISPR-Cas9. Que se passe-t-il dans les labos? Quels seront les médicaments de demain? On vous dit tout lundi à 16h. Le temps pour nous de reprendre l'avion en direction la maison de la radio et de vous retrouver en direct mardi pour parler de la disparition des zones humides. Ce sera mardi à 16h jusqu'à preuve du contraire.